Un baiser. Il suffit d'en être privé pour qu'un baiser soudain nous manque et dans le cou, le doux frisson comme une douloureuse absence, tel un glaçon meurtrit l'essence qu'il aimait tellement embraser. Quand l'enfant qu'il était pleurait de solitude, c'est son front étonné qui recueillait du père les baisers consolants qui toujours dissipèrent les peurs et les chagrins que l'amour seul élude. Plus tard vinrent fébriles les émois du désir. Des amants, il apprit le langage éternel où la bouche, tendue vers les lèvres charnelles, emmène sans paroles aux élans du plaisir. Alors, dans les cheveux de l'épouse adorée, chaque jour il dépose un baiser doucement, comme un tendre merci pour les divins moments, les nocturnes folies et les calmes soirées. Aujourd'hui pourtant, il n'y a plus de joues, ni près de lui de lèvres et de coups soyeux, pour offrir aux aimés en un geste joyeux les secrets de son cœur, comme on offre un bijou.